c'est fou comme à l'asile. 89.1 Surprise, bonjour et bienvenue à CX.zip, je m'appelle Mathieu Plante. Bienvenue hein, à vous, parce que c'est une surprise, c'est vrai, faut le dire, faut l'admettre. Normalement, le jeudi à 10h, c'est la rediffusion de la dernière porte à gauche. Mais il y a eu un petit échange de dernière minute comme ça, et maintenant, CX.zip va être présenté les jeudis à 10h, et la dernière porte à gauche, ça va être le lundi à 10h. Un petit échange switcheroo, toujours le fun comme ça de varier les affaires. À l'émission d'aujourd'hui, à CX.z, pour ceux qui connaissent pas l'émission, c'est nous qui compressons les chroniques CNX de la semaine du 4 au 10 février. En fait, on va y aller dans pas mal de jours et de dates différentes. Ça va être assez spécial. On a la semaine passée et cette semaine à faire. Il va y avoir GoGo Gadget, Nouvelle du futur et une double portion du POW. Ça, c'est les petits quickies technologiques qu'on se fait une fois de temps en temps. Il va y avoir aussi de la musique de jeux vidéo et on débute une nouvelle série en concert aujourd'hui, tant qu'à changer les choses, à remanier l'horaire et tout. On commence une série par Jonathan Mann. Cette série-là est sortie en juin 2005. Et si vous vous souvenez pas de Jonathan Mann ou que vous ne replacez pas son nom, vous le connaissez peut-être sous le nom de Game Jew. Oui, et c'est lui qui présentement écrit une chanson par jour sur le site rockcookiebottom.com. Il est rendu à son 403e jour de suite à écrire des chansons. Plusieurs parlent de jeux vidéo, c'est très très geek, c'est très le fun à écouter. La série qu'on va commencer aujourd'hui s'appelle The Mario Opera Act 1 par ce célèbre Jonathan Mann. Donc la première pièce de ce premier acte finalement s'appelle The Welcome Song et c'est ce qu'on va entendre. Suivra la chronique de... On va commencer par mercredi dernier. Vous allez voir, c'est un petit peu mêlant. Ça va être la première et dernière fois qu'on va faire une émission aussi mêlante que ça. On va commencer par la chronique de mercredi passé, le 3 février. C'était GoGo Gadget, mais pour l'instant, c'est The Mario Opera Act 1, The Welcome Song par Jonathan Mann à CNX.zip. Sit right down. You're about to hear the greatest story around. You might think you know it, but I disagree. So just settle down and listen to me. Down in the Mushroom Kingdom, there's a man named Mario. I know him, me too. Exactly where he come from, no one knows. And destiny drops you just the right to where you belong. Where you belong? Who are you to question if it's wrong? Is it wrong or is it wrong? So Mario the plumber, unassuming as can be, will be the heir to the Mushroom Kingdom when he marries Princess Peach. That's me. Na na na na ma na na na na na na na na na na na na na na na na. So have a seat, but understand, things never work out as you plan. So if you like, I can explain about Bowser and his domain. It goes like this. Deep beneath his kingdom lives a creature of great size. Sounds so scary. With spikes all over his body, man, and the flames are in his eyes. Yeah, he rules his lava kingdom with iron fist and iron tail. With manages tail to kidnap the princess without fail. He does, it's true. So Mario the plumber, he's so unassuming, must go and save his bride, the princess, from the clutches of a Koopa King. That's me. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oh yes, now my song is almost done.

avec cette nouvelle plateforme-là, on aurait à peu près, on aurait un produit qui ressemblerait plus finalement au produit CD physique qu'on achetait avant. Ben moi ce que je dis c'est que ce format-là devrait être ça depuis très longtemps. Ouais, sauf que là étant donné que c'est nouveau, faudrait pas que ça coûte plus cher qu'un simple MP3 parce que là sinon ça marchera pas. Très bon point. Faudrait qu'ils descendent les prix des MP3 normaux. Ouais, c'est ça. Je pense. Ouais. Non, c'est ça. Faudrait pas qu'ils chargent plus cher. Là. Faudrait vraiment que les MP3 qui sont là sont moins chers et que ceux-là soient au même prix que les MP3 de présentement. C'est ça. C'est ça. Moi, dans le fond, je me dis, il faudrait que ce soit au même prix qu'un MP3, mais si les deux sont au même prix, le MP3 va mourir, donc il n'y aura pas le choix soit de valeur moins chère ou le DNA va devoir être plus cher. Ben, ce qu'on disait dans l'article, c'est que le format resterait quand même MP3. À ce que je comprends bien, donc ça va conserver le format de compression sonore MP3. Donc, je sais pas s'ils veulent dire que ça va garder le fichier MP3. Ouais. Peut-être pas. Ouais, sûrement pas même. Enfin, on va voir. Mais Music DNA est le nom et j'aimerais vraiment ça que ça marche. Ouais. Plus de gugus à avoir quand tu télécharges. Bon. Ben, c'est vrai que ce serait un incitatif là, pour les gens à acheter leur musique sur Internet. Parce qu'on en manque de raison en ce moment. À part pour vouloir encourager le groupe, là, parce que sinon les MP3 sont disponibles ailleurs de façon moins illégale. C'est ça. Bref, de façon moins légale, ce que je veux dire. C'était la chronique CNX de jeudi dernier, le 4 février, Nouvelles du futur. Je vous rappelle d'aller voir les liens sur www.assemblagerequis.com. Les liens de toutes les chroniques sont là. Il nous en reste deux à faire aujourd'hui à CNX.z pour on compresse les chroniques technologiques CNX d'Assemblage Requis. Je vous rappelle que cette semaine, on compresse deux semaines en même temps, donc la semaine passée du 1er février et la semaine en cours là du 8 février. Donc il nous reste deux petites portions du POW dans quelques minutes. Mais avant ça, regardons un petit peu les nouveautés en magasin cette semaine en termes de jeux vidéo. C'est pour la semaine du 7 février 2010 selon GameSpot.com. On commence par Bioshock 2 sur PlayStation 3. Ça sort le 9. Ça, c'était avant-hier, oui. C'est coté 8.5 selon GameSpot, donc très bon jeu. Dante's Inferno sort sur PlayStation 3. C'était avant-hier, ça aussi. C'est coté 6.5, par contre, selon GameSpot. On revoit encore Bioshock 2, cette fois-ci sur PC. C'est un shooter à la première personne, ça. Star Ocean The Last Hope International, un jeu de rôle, est sorti le 8 février. Sins of a Solar Empire Trinity, c'est un jeu de stratégie en temps réel, est sorti mardi. Blaster Master Overdrive est sorti le 8, c'est un jeu de plateforme sur le système WiiWare de la Nintendo Wii. Stargate Resistance sortait hier. C'est difficile avec le nouveau jour hein, d'acclimater mes choses. Bref, c'est un shooter. Darwinia Plus sort sur les arcades, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Samurai Rising sortait le 9. C'est un jeu de rôle. Shirin the Wanderer sort sur Nintendo Wii. C'est un jeu de rôle, ça aussi. Super Monkey Ball Step and Roll sortait le 9. C'est un jeu, évidemment, de Super Monkey Ball. Donc, on contrôle un petit singe qui roule dans une boule. Hein? NEO Online sortait le 8. C'est un jeu de rôle massivement multijoueur et en ligne pour le PC. World of Outlaws Sprint Cars sortait le 9. C'est un jeu de course. Sniper X, un jeu d'action, sortait le 9. Et Sins of a Solar Empire Diplomacy sortait le 9 aussi. C'est un jeu de stratégie en temps réel. Allez voir assemblagerequis.com pour le lien vers ces nouvelles sorties qui sont selon GameSpot.com. On va retourner entendre un petit peu de chiptune tout à l'heure, mais avant ça, on prend une pause et on revient tout de suite après à CNX.zip. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Bonjour, vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio et l'émission où on compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage Requis. Et cette semaine, on compresse deux semaines d'affilée, celle du 1er et du 8 février, parce qu'on a changé de case horaire. Je vous le rappelle, on est rendu aujourd'hui le jeudi, comme si vous n'auriez pas remarqué. Tu sais, on est le jeudi aujourd'hui. Et ceux qui s'attendaient à entendre la dernière porte à gauche avec mon bon ami éco-animateur Kiwan est maintenant le lundi à 10h, donc un petit échange de place pour ces deux émissions-là. On se voit lundi à 10h. Il nous reste les deux chroniques qui ont eu lieu cette semaine, là, la semaine du 8 février. C'est deux portions du POW. Donc, les chroniques quickie avec un paquet de sujets qui se défilent dans un ordre quelconque, dans un temps très précis. Bref, le POW tout à l'heure. Mais avant ça, on retourne en musique, entendre encore un petit peu de chiptune. C'est l'artiste I-A-Y-D ou I-A-Y-D avec la pièce Whore 6/New Haircut. Un peu étrange. C'est le numéro 2 sur 8bitcollective.com. Tout de suite à CNX.zip. Oh non, pas tout de suite, toi. Petit size. Ah, CNX.zip. Ah oui. Une chose à la fois, pas les deux en même temps, tu sais. Hein?

C'est des fichiers Photoshop avec toute l'interface du iPad, donc l'appareil de Apple qui est comme un iPhone géant, là, si on veut. Donc, tous les morceaux PSD, que ce soit les boutons, les choses, les cases accrochées, des formulaires, n'importe quoi. Donc, vous allez pouvoir faire une fausse interface, peut-être pour vous amuser, faire une blague à quelqu'un, je sais pas, n'importe quoi. Remplacer votre fond d'écran de votre iPhone avec ça, puis là, ben, ou du iPhone de quelqu'un d'autre. Donc, la personne va arriver pour toucher, puis ça marchera pas parce que c'est un dessin. Peu importe, tout ce que vous voulez faire avec, c'est génial. C'est le iPhone c'est le iPad GUI PSD. Voilà, le lien est sur assemblagerequis.com. Bon, déjà une 45 secondes de fait avec un lien, c'est beaucoup. Ensuite, on va passer à quelques vidéos dans cette petite chronique-là rapidement. On va commencer par un webcast en direct sur le web qui tourne mal, donc je vous invite à écouter ça. C'est un extrait comme ceci. I don't know. Who cares? Go here, right-click download and save as, or you can go over here. Oh, can le gars qui est vraiment en fantôme. Là, il est sur son site web, il essaie de regarder le webcast en direct en même temps qu'il fait l'émission. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! That's cool. Pause that. Oh my God! Le gars essaie de faire pause, il essaie de cliquer. C'est l'apocalypse total. C'est insupportable. Et le gars a décidé de juste faire baisser le volume finalement. J'adore cette vidéo-là, c'est vraiment génial. Non, mais j'avoue que ça peut surprendre. Si t'entends ça comme ça, live, tu sais, à la radio, je sais pas. On l'a déjà fait au palmarès, hein? Mm-hmm, ouais. Allez dans les balados diffusion sur cif.ca, le lien est là. Oh, le temps passe vite et quand même, je me rappelais plus qu'il y avait des comptes après ça. My name is Steve. My name is Steve. Ça, c'est un gars qui essaie de faire une critique du jeu Super Mario Land sur la Game Boy dans le bon vieux temps en 89 que c'est sorti. À chaque fois qu'il meurt, c'est une expérience en tant que telle vivre cette vidéo-là. Non. C'est sur le site pushthebutton.tumblr.com. Ça aussi, c'est un peu comme le bruit de tantôt. C'est un peu insupportable, mais ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est probablement une des vidéos les plus divertissantes que j'ai vues sur Internet depuis longtemps. Prochaine vidéo, on est déjà presque à 3 minutes. C'est sur The Onion. Vous connaissez peut-être The Onion pour leurs articles et leurs vidéos parodies d'émissions de nouvelles. Ils font ça comme si c'était très, très sérieux. Ils ont un talk show matinal. Ils ont une émission de nouvelles très très sérieuse, mais tout ça, le contenu est de la parodie. Donc dans cette vidéo-là, ils demandent dans leur segment politique, si on veut, si les enfants sont préparés adéquatement pour l'apocalypse. Donc est-ce que les jeux vidéo violents préparent les enfants pour l'apocalypse? Donc avec l'histoire de 2012, c'est pas mal drôle, c'est sur TheOnion.com. Sur Funny or Die UK, on présente une parodie du iPad avec un de mes humoristes préférés, c'est Peter Serafinowicz qui fait une parodie du iPad. Ça date de très très longtemps, quand même plusieurs mois, même sinon années. Et ça nous montre le bloc-notes fait par Apple, le iPad, comme un bloc-notes. C'est assez drôle, merci beaucoup. Sports Illustrated nous montre de quoi va avoir l'air leur application pour le iPad dans un futur plus ou moins rapproché. Donc ça nous montre vraiment comment une couverture de magazine pourrait bouger. On pourrait voir un joueur de football arriver sur l'écran du iPad. Et puis finalement, oups, on arrive, le logo se présente, puis on ouvre la page, on peut cliquer, puis ça fait des effets de transition de page. On peut voir des vidéos dans l'interface. Ah! On est arrivé à 4 minutes. Voilà, alors c'était tout. Je tenais à rajouter ce dernier-là. Quel effet sonore, Mathieu. T'es très fort. Mais la raison que je le passe, cet extrait-là, c'est que sur NOOOOO, et là, je sais pas combien il y en a de O, mais le lien est sur assemblagerequis.com. Donc, NOOOO.com, ça nous donne directement ce bouton-là. Je voulais finir avec ce lien-là. C'est juste un effet sonore. C'est un bouton sur la page web que tu appuies quand t'en as besoin. Je pense que c'est dans Star Wars, quelque chose. Mais on a toujours besoin de ce genre d'effet sonore. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Pas le choix, on peut pas continuer parce que si on continuait, ce serait défaire les règles. All inspired by General Larry Platt. Yeah, American Idol tryouts, very famous. Everyone's seen this by now, I think. Yeah, it's on the top of the charts on YouTube. Tu connais un petit peu American Idol? Non. Il y a un gars cette année qui a fait une petite vidéo Pants on the Ground, qui a fait le tour d'Internet, puis deux gars l'ont copié dans un bulletin météo, donc aux États-Unis. C'était mon dernier lien que j'avais. Je devrais juste les skipper dans ce temps-là. Snow on the ground. Driving like a fool with snow on the ground. With the sail in your hand. Head turned sideways. Snow hit the ground. C'est vraiment... C'est pour ça que c'est les liens que je mets à la fin, puis que je pourrais aussi juste ne pas faire. Tu les mets dans l'extra du 4 minutes, donc de toute façon, étant donné qu'on va couper ça au montage... Est-ce que j'ai une punition, autre que juste couper ça au montage? Ben non, là, j'ai pas l'intention de te donner la fessée. Ben t'es trop fin, par exemple. Non, je me donne un défi. Insiste pas, OK? C'était la chronique de mardi, le POW à CLX.C où on compresse les chroniques technologiques diffusées dans Rassemblage Requis, diffusées ici à C'est fou du lundi au jeudi entre 15h et 17h avec moi-même et Mathieu Plante. Ça, c'est, moi, c'est Mathieu Plante. Pas moi-même et Mathieu Plante. Moi, c'est Mathieu Plante. Kiwan, c'est l'autre. L'autre voix que vous entendiez, Kiwan. C'est pas mal la fin de CLX.C pour aujourd'hui, donc on va se quitter avec un petit peu de musique chiptune pour transitionner vers l'excellente émission Le Dîner de Con avec Danny et André. Ça s'en vient en quelques minutes à peine. On va entendre la pièce Las Olas par Balloon, édition numérique de l'album Memoria Textile qui vient d'être rendu disponible sur Bandcamp pour le très très bas prix de ce que vous voulez, hein, finalement. Donc vous pourriez l'écouter dans quelques secondes si vous y allez par assemblagerequis.com. Et si vous voulez un objet, ben ils vendent des CD Air. Il y en a 100 en tout de cet album-là, Memoria Textile. Et ils ont un code CHICLE qui va vous donner 20% de rabais. Donc allez voir assemblagerequis.com pour l'article. Et procurez-vous cet album Memoria Textile de Balloon. Et on se retrouve jeudi prochain à 10h dans la nouvelle case horaire de CNX.zip. Et tout à l'heure, à 13h, pour les palmarès C'est fou, je serai là. Soyez-y. Bye bye.